Je les aime dans leur bikini, j'aime leur dos de couleur, mais un seul œil pour tromper l'ennui. Oh mon Dieu, quelle est belle. Et je brûle de désir sous le ciel, les sirènes aussi belles qu'elles nous prennent en otage. L'amour au clair de lune, à minuit nous enseigne. Je m'imagine accrocher le cœur de la paix. Ce corps à corps que nos âmes dessinent nous donne des ailes. Et je brûle de désir sous le ciel. Les sirènes sont si belles qu'elles nous prennent en otage. L'amour au cœur de lune à minuit nous entraîne. Évitons le naufrage. Faisons-nous la belle.